Mon fils. Je te remercie. Moi aussi. Ça c'est pour tous les darons qui élèvent leurs gamins bien, ouais, qui l'ont accepté à bras ouverts. Faut que ces enfants ont des repères. Décembre 2003, une date inoubliable. Mon fils né, cela fait nous des inséparables. J'avoue dans ma tête, il n'y avait rien de stable. J'ai dû me refaire, j'ai pété des câbles, 21 piges, mais j'ai passé le cap. J'avoue, il n'y avait pas moins que je te zappe, ça aurait été une grave erreur, et les pères le savent. Alors je te bichonne autant que je peux, je fais de mon mieux, et rien ne me fera plus plaisir quand on aura nos pieux. Heureux je le suis, me voulant fuir dans l'oubli, me promener avec mon fils, ça t'as trouvé ça adorable. Moi sympa de lui faire voir ses paysages. Il a fait de moi un nouveau personnage, il m'a appris le langage. Des discussions de daron, rien à dire. Je vais dans l'évolution, sans prétention. Cette chanson, j'ai écrite au plus profond de mon cœur. Et j'écoute quand t'es loin de mes pleurs. Tu sais, à l'époque, j'avais un drôle de comportement. Je ne voulais pas d'enfant, j'optais pour l'avortement. J'étais peut-être en sentiment, mais quand il n'y a pas d'argent, étant jeune, je ne voulais pas vivre ces moments. Trop responsabilité, je pétais les plombs. Je savais que j'étais pas à quitter. Et ta mère a insisté, puis tu as existé. J'ai cogité, puis j'ai opté à te garder. Tu sais, ça n'a pas été facile. J'ai dû remonter sur un fil, me faire des défis. Et au bout du compte, je me fais plaisir. Les souvenirs, crois-moi, on va en emporter. Je sais que c'est pas bon, mais je tiens à te gâter. Si tu vois des choses qu'on m'a pas apportées. Car je tenais à m'expliquer, au lieu que ça soit déformé. Mon fils, les darons,